Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième saison de Mission Impossible. Notre mission, vous expliquer les phénomènes scientifiques du quotidien et mieux encore, le fonctionnement passionnant de nos industries. Pour cela, nous disposons de 30 minutes au cours desquelles nous expliquerons, discuterons et viendrons à votre rencontre pour percer des mystères scientifiques. Mais qui sommes-nous? Une équipe d'étudiants ingénieurs de l'ENSIC totalement animée par les sciences. Notre école, l'ENSIC, vous la connaissez, présente à Nancy depuis 1887, elle se situe près de la pépinière. Son credo, c'est de transmettre les méthodes physiques et chimiques qui permettent de transposer à l'industrie ce qui se passe à l'échelle du laboratoire. Rien ne lui échappe. Chimie, énergie et environnement, tous les grands enjeux actuels sont concernés. Alors j'espère que vous êtes prêts à nous suivre dans nos nouvelles aventures. Aujourd'hui, je suis en présence de nos trois chroniqueurs, David. Bonjour à tous. Thomas. Salut à vous. Et Laurie. Bonjour. Alors si je ne m'abuse, aujourd'hui on va commencer avec la chronique de Thomas. Thomas qui va nous parler des effets de l'alcool sur le corps. C'est tout à fait ça. Alors bon déjà, je vais vous mettre à contribution dès le début. Si je vous dis l'abus d'alcool... est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Et ben, je me suis rendu compte que on connaissait tous cette phrase, mais moi je savais pas vraiment ce que ça signifiait. Du coup, j'ai voulu voir ce qui se passait lorsque notre corps prenait de l'éthanol, c'est-à-dire de l'alcool, et j'ai découvert trois choses. Tout d'abord, il faut savoir que dans notre cerveau, on a un mécanisme qui va réguler notre stress. On a des petits récepteurs au niveau des neurones qui peuvent s'ouvrir légèrement et laisser passer et rentrer un peu de chlore afin de nous apaiser. Bon, évidemment, le chlore il est pas dans la même quantité que dans une piscine, sinon ça serait un peu toxique. Et ce mécanisme, il se fait naturellement, ça nous apaise au quotidien. Quand on boit, on avale beaucoup d'éthanol, donc de l'alcool, et cette molécule va s'accrocher au récepteur pour laisser rentrer d'un coup beaucoup de chlore. C'est pour ça qu'après qu'on a bu, on est généralement plus du tout stressé. Donc forcément, l'alcool, ça va nous détendre. Ensuite, l'alcool, il perturbe notre sens de l'équilibre. Vous le savez peut-être pas, mais votre équilibre est en partie contrôlé par un liquide qu'on trouve dans votre oreille interne qui se nomme l'endolymphe ou le liquide de Scarpa. Le liquide, il va bouger en même temps que notre corps. Et cela va permettre de ressentir, par exemple, un tournant lorsqu'on marche, c'est-à-dire que le liquide va un peu bouger dans nos oreilles. Mais avec l'alcool, le cerveau il va bloquer les informations qu'envoie l'oreille interne et il va faire croire que le liquide il est en mouvement, même si on ne bouge pas. Donc, en gros, pour faire simple, on ne bouge pas, sauf que le cerveau il pense qu'on bouge, donc on va se pencher pour contrebalancer et au final, on tombe. C'est pour ça que quand on commence à boire, à un certain stade, c'est compliqué de marcher tout droit. À ce moment-là, le corps il se rend bien compte qu'il y a un truc qui ne va pas, donc il va devoir éliminer le problème et bam, le foie il entre en jeu. Déjà, le foie, c'est l'organe le plus volumineux du corps humain. Et en plus, il peut, dans la plupart des cas, se régénérer tout seul s'il est coupé après une opération ou un accident. C'est un peu le super-héros des organes. Et en ce qui concerne l'alcool, le foie il va tenter de métaboliser l'éthanol, c'est-à-dire qu'il va modifier la structure de la molécule pour tenter de faire quelque chose de moins dangereux. Et pour cela, il possède des enzymes qui vont réaliser le travail. Une enzyme, c'est une grosse molécule qui a plusieurs fonctions importantes dans le corps humain. Pour en revenir encore une fois au foie, il va métaboliser l'alcool pour en fabriquer de l'éthanol. Mais malheureusement, l'éthanol, c'est pire que l'éthanol. C'est super toxique pour le corps humain, c'est quasiment poison. Donc vite, il utilise à nouveau ses enzymes, il remétabolise et on obtient de l'acide éthanoïque, c'est-à-dire du vinaigre, comme on l'a vu dans les précédentes émissions. Plus du tout toxique. Ouf. Bon, ça, c'est ce qui se passe quand on boit juste un petit peu, c'est-à-dire un ou deux verres. Forcément, si on commence à mélanger plusieurs alcools, à boire toute une soirée sans forcément faire gaffe à notre consommation, le foie, il va vite être débordé. Donc il va utiliser ses enzymes, faire ses petites métabolisations, et il va fabriquer au final l'alcool, le poison, vinaigre. Alcool, poison, puis vinaigre. Alcool, poison, j'ai plus le temps. Alcool, poison. Et au final, il va fabriquer que de l'éthanol, que du poison pour nous. Il ne prendra plus le temps de faire la deuxième étape, celle de transformer l'éthanol, le poison, en acide éthanoïque, donc du vinaigre. Pour le corps, à ce moment-là, c'est la catastrophe. À ce moment-là, on peut voir les gens, ils sont plutôt frais et plus très bien. Et comme toutes les techniques du foie ont échoué, le corps humain joue sa toute dernière carte, rejeter tout le poison en vomissant. Ouais, je sais, c'est un peu dégoûtant. Donc voilà, globalement, ce qui se passe avec la prise d'alcool pour le corps. Avant de finir, deux petites choses. Si vous buvez, déjà, n'oubliez pas de boire de l'eau, parce que l'alcool, ça va vous déshydrater et vous retirer l'eau que vous avez dans le corps. Ça vous évitera d'avoir le lendemain ce qu'on appelle une gueule de bois. Et évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc allez-y mollo, surtout que les fêtes, ça approche vite. Eh bien merci Thomas, donc je suis ravi de comprendre que mon foie ne partage pas le même engouement pour les boissons alcoolisées. Donc il en va de soi que l'alcool est à consommer avec modération, et pour vous aider à gérer votre consommation, vous pouvez contacter le 0 980 980 930 ou vous rediriger vers le site alcool-info-service.fr. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai quand même bien envie de boire une petite pression. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Laurie va maintenant nous parler des bulles, du moins d'autres bulles. Oui, c'est tout à fait ça. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler du papier bulle. Donc, et oui, vous ne rêvez pas, je parle bel et bien du papier bulle. Vous savez, c'est ce papier qui enrobe vos objets les plus précieux pour les protéger. Et c'est aussi le fameux papier plastique dont on adore exploser les bulles d'air pour s'amuser. Eh bien, on va essayer ensemble de comprendre pourquoi nous, on est capable, pauvres mortels, d'éclater les bulles avec nos doigts, alors que ce papier, justement, il a pour objectif de protéger les objets. Alors, est-ce qu'on aurait développé une nouvelle force herculéenne, synonyme de notre évolution? Eh bien, désolé de vous décevoir, mais non. Mais ça serait quand même incroyable. Donc, revenons à nos moutons et parlons un peu de papier bulle. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le papier bulle? Donc, le papier bulle, c'est défini comme un matériau plastique transparent qui est donc utilisé pour emballer des objets fragiles. Et ce matériau, eh bien, il possède des bosses ou des protubérances qui sont remplies d'air et qui vont constituer un coussin protecteur, si vous voulez, en fait. En plus, l'industrie du papier bulle, c'est une très grosse industrie, puisque le papier bulle, ça s'est vraiment imposé comme une alternative aux autres produits qui sont plus traditionnels, comme la bourre de coton, le papier froissé ou encore la fibre de bois. Mais comment ça se passe industriellement? Comment ça se fait le papier bulle? Eh bien, pour fabriquer le papier bulle, il faut tout d'abord passer un film plastique dans un cylindre chaud rempli de cavités en demi-sphère. Donc si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, eh ben, vous pouvez imaginer, si vous voulez, un moule à gâteau, à madeleine, à muffin, à ce que vous voulez. Et vous voyez les cavités, donc, ou les trous, si vous préférez, de votre moule, elles ont une forme particulière qui va ensuite être transmise à votre gâteau. Eh ben, dans ce cas-là, c'est les trous, en fait, les trous du gâteau, c'est les demi-sphères. Donc c'est exactement la même chose. Donc ce film plastique, il va prendre la forme bosselée, et elle prend donc la forme du moule. Ensuite, il suffit de relier ce film plastique bosselé à un film plastique normal, donc sans bosse, pour enfermer l'air dans les bulles. Et donc les parties bosselées, elles vont donc former les bulles d'air qui vont servir d'amortisseur à tous les objets qui y seront emballés. Voilà donc comment est produit ce fameux papier bulle de notre quotidien à l'échelle industrielle. Mais alors comment ça se fait que donc, lorsque nous, on appuie sur la bulle, elle éclate si facilement, alors que ce produit, ben, il est justement censé servir de protection pour nos objets? Eh bien ça, je vais vous l'expliquer. En fait, quand on met du papier bulle sur un objet et qu'on le met par exemple dans une boîte pour le protéger, ben, le papier bulle, il va protéger parce qu'en fait, les forces, donc les pressions ou les à-coups si vous voulez sur la boîte, elles vont s'appliquer partout sur les bulles. En gros, la pression sur les bulles, donc la force sur toute la bulle, c'est la même partout. Et les bulles, si les pressions s'appliquent partout sur elles, elles ne vont pas éclater parce qu'elles ont ce qu'on appelle une tension superficielle. Donc si vous voulez en savoir plus justement sur cette fameuse tension superficielle, vous pouvez aller voir la chronique justement d'Axel sur les tensions actives. Sauf que nous, quand on appuie sur la bulle avec notre doigt, eh bien la pression, donc la force qu'on exerce, c'est pas la même sur toute la bulle, ce qui fait qu'elle éclate. Voilà, on comprend mieux maintenant comment on parvient à autant s'amuser avec du papier bulle tout en ne doutant plus de son effet protecteur sur nos objets fragiles. Mais hélas, vous pourrez bientôt dire adieu à ce bruit si satisfaisant, car l'entreprise qui a créé le papier bulle, elle en produit maintenant un qui n'a plus de bulles d'air, en fait, justement, pour économiser de la place. Et donc, il vous faudra une pompe pour remplir votre bulle d'air. Heureusement, aujourd'hui, il vous restera toujours le dérivé qui cartonne actuellement chez les enfants et qui est le Pop-It. Donc, c'est un jeu qui constitue à faire exactement la même chose qu'avec du papier bulle, donc vous inquiétez pas. Eh bien merci Laurie, j'ai l'impression que grâce à ta chronique, on a quand même brassé pas mal d'air. Hein. Pour rappel, Laurie vient de nous parler de la fabrication du papier bulle, Thomas nous a expliqué comment agit l'alcool sur votre corps. Si jamais vous avez manqué une de ces chroniques, vous pouvez la retrouver en podcast sur YouTube, sur notre page Facebook, ainsi que sur le site Radio Fadjet. On se retrouve juste après Hung Up de Madonna, afin d'écouter la chronique de David sur la datation des objets anciens. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly. I'm Nous sommes de retour sur Radio Fadjet dans l'émission Mission Impossible, votre émission bimensuelle de vulgarisation scientifique. Plus tôt dans l'émission, Thomas et Laurie nous ont parlé respectivement de l'effet de l'alcool sur notre corps et la fabrication du papier bulle. Si vous avez manqué ces chroniques, pas de panique. Vous pouvez les retrouver en podcast sur YouTube, sur notre page Facebook, ainsi que sur le site de Radio Fadjet. Maintenant, je laisse David nous présenter sa chronique qui, si je ne m'abuse, va vous faire voyager. Exactement. Alors moi, pour vous parler un peu de ma vie, je me baladais au musée et je suis tombé sur un vase. Alors rassurez-vous, ça m'a pas fait trop mal. Jusque-là, ma vie n'est pas bien trépidante. Et puis je regarde la petite étiquette et je vois que le vase, il est daté. Mais comment ceux qui ont observé ce vase, ils ont pu déterminer son âge? Et bah c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Alors pour cette chronique, je vais devoir parler de radioactivité. Rien à voir avec nous, hein, puisque nous, on fait des activités à la radio. Ce mot, en vrai, il fait un peu peur, mais pas de panique, je vais vous expliquer tout ça. Tout d'abord, vous le savez peut-être, mais tout ce qui nous entoure est constitué de minuscules petits grains invisibles à l'œil nu, et qui s'appellent les atomes. Il existe deux types d'atomes. On a les atomes stables, qui sont tranquilles, pépères, et les atomes instables, qui sont, on va dire, un peu malades. Alors qu'est-ce qui les différencie? Sans rentrer dans les détails imbuvables, on va imaginer que vous vous tenez à côté de votre voisin. Vous, vous êtes en parfaite santé, et votre voisin, lui, il a chopé la petite gastro bien sympathique du coin. La différence entre vous et lui, c'est qu'il a un virus, il a donc des petites particules en plus, et qu'il a de la fièvre, il va donc émettre un petit peu de chaleur. Bah pour les atomes, c'est pareil. Si on prend deux atomes identiques, et qu'à l'un on rajoute un surplus de petites particules, comme le virus, et bah il va tomber malade, et émettre des petits rayonnements. C'est ce qu'on appelle la radioactivité. Dans la nature, on a plein d'éléments naturels qui sont radioactifs, et dont on soupçonne même pas l'existence. Vous connaissez tous le carbone, qui est utilisé pour fabriquer les mines de crayon par exemple. Et bah lui, il est généralement stable. Mais figurez-vous qu'il a un petit frère bien malade, ou radioactif du coup, qui existe dans l'air. En plus, en radioactivité, on est capable de savoir au bout de combien de temps la moitié des atomes malades seront guéris. Sa durée, elle est fixe, mais elle dépend des atomes. On a par exemple 5730 ans pour le carbone radioactif. Et puis, ben, 5730 ans encore après, la moitié de ceux qui étaient encore malades, eh ben, ils seront guéris. Et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle la désintégration. Ils vont émettre tellement de particules qu'à la fin, ils seront stables à leur tour. Bref, il est bien beau mon charabia radioactif là, mais bon, ça nous aide pas trop à comprendre comment on peut dater des vieux trucs. Et ben la première condition pour la datation, c'est qu'il faut que les vieux trucs, ils contiennent des atomes malades. Sinon, tout ce que je viens de vous dire, on s'en taperait le coquillard. Ici, on va bien évidemment s'occuper du carbone, comme vous l'aurez compris. Et les chercheurs, ils vont compter le nombre de malades dans l'échantillon pour le comparer au nombre de saints. Et je parle pas de Saint-Nicolas. Je parle du nombre d'atomes stables. Ben pourquoi on fait ça? Et bah tout simplement parce qu'on sait qu'on a environ actuellement un carbone malade parmi 1000 milliards de saints. Du coup, en les comptant, on peut savoir combien on en a perdu, et en ayant la durée pendant laquelle il y en a la moitié qui disparaissent, on peut deviner l'âge des vestiges. Bon, et puis malheureusement, il y a une petite limite à tout ça. Si notre vestige, il est trop vieux, il a plus de 50 000 ans par exemple, bah on n'aura plus beaucoup de carbone malade, donc on pourra pas en tirer grand chose. Et si c'est encore un peu plus vieux, et ben on devra utiliser notre méthode, tout simplement. Merci David, j'espère que j'ai bien compris, parce que cette histoire de maladie, j'espère que c'est pas ça qui permet de déterminer l'âge de certains patients en gériatrie. Enfin bon, maintenant nous allons procéder au jeu de l'émission. Donc aujourd'hui, le jeu que je vais vous proposer, c'est de déterminer l'objet le plus vieux parmi trois propositions. Donc quand je dis objet, c'est assez large, hein. C'est soit un fait, soit une invention, quelque chose comme ça. Okay. Donc du coup, pour vous, qu'est-ce qui a été inventé en premier? Le briquet? L'allumette? Ou bien le lance-flamme? Oh, oula. Wow. Moi, j'aurais dit... Mais pas le briquet comme on a aujourd'hui, mais le... Non, c'est du filex. Pas un briquet, ça. Pas du... Je pense qu'on parle du vrai briquet comme le, ça. Le briquet comme ça? Un briquet, ouais. Enfin, une pression qui permet de dégager une flamme. Sans histoire de silex, hein. Autant pour moi. Moi, je pense que le briquet avant l'allumette. Je pense aussi. Parce que c'est trop évident de dire l'allumette en premier, tu vois. Non, par contre, ouais. Moi, ce qui serait drôle, ça serait si c'était le lance-flamme en premier. Le lance-flamme. On a inventé le lance-flamme, puis après, on se dit, on va faire pareil avec l'allumette. Non, je pense briquet moi, aussi. Moi, je dirais le briquet. Ouais. Bah, moi, je dirais le lance-flamme, du coup. Tu m'as convaincu. tu m'as convaincu. Je t'ai convaincu, mais je me suis pas auto-convaincu, par contre. Écoute. Bon, eh bien, on verra ça après la petite pause. Donc, pour rappel, Laurie vient de nous parler de la fabrication du papier bulle, Thomas nous a expliqué comment agit l'alcool sur votre corps, et David, de la datation des objets. Si vous avez manqué une de ces chroniques, vous pouvez toujours les retrouver sur nos réseaux sociaux. On se retrouve juste après Bad Habits, Ed Sheeran, afin de finir le jeu et déterminer le grand gagnant de cette semaine. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the pain. De retour dans l'émission Mission Impossible, on se retrouve à la fin de l'émission malheureusement avec le petit jeu usuel. Si jamais vous avez manqué les chroniques ou le début de l'émission, vous pouvez toujours la retrouver sur nos réseaux sociaux ou bien sur le site de Radio Fudget. Donc pour le jeu d'aujourd'hui, comme je l'expliquais avant la musique, le but du jeu est de déterminer quelle est l'invention, quel est l'objet qui a été inventé en premier. Donc dans notre cas, il y avait trois propositions qui sont l'invention du briquet, l'invention des allumettes ou l'invention du lance-flamme. Donc si je dis pas de bêtises, Thomas et Laurie m'ont dit que pour eux c'était l'invention du briquet. C'est ça, le briquet. Voilà. Et pour David, c'était l'invention du lance-flamme. Ouais, c'est ça. Convaincu par ma connerie. Alors, pour vous donner les dates, le briquet a bien été inventé avant les allumettes. Voilà. Ah, j'ai peur. Donc le briquet a été inventé en 1823 pour être exact. Donc le premier briquet, on le doit à un certain chimiste allemand. Je me permettrai pas de prononcer son nom pour ne pas l'offenser. Voilà, mais c'est lui qui a eu l'occasion de démarrer l'histoire du briquet. Ensuite, on a l'invention des allumettes qui est arrivée à peu près 30-40 ans plus tard. Donc en fait, le procédé pour faire les allumettes a été inventé bien avant, c'est-à-dire que on savait dès 1669 que en mélangeant certains composés entre eux, on pouvait enflammer un bout de bois ou quelque chose ou autre chose avec des températures qui sont relativement faibles, donc autour de 60 degrés. Donc en fait, ça correspond à l'équivalent d'un frottement, ce qu'on peut retrouver sur nos boîtes d'allumettes. Et pour l'invention du lance-flamme... Oh, j'ai peur. Voilà. Oui, je stresse. Donc l'invention du lance-flamme, comme nous on l'entend aujourd'hui, en fait, ça a été inventé au Xe siècle. Quoi ? Voilà. Non mais, s'il te plaît. Alors là, t'es bien convaincu du coup. Tu vois ? Les premières traces d'invention du lance-flamme, en fait, ce sont les Chinois qui ont utilisé des machines qu'on pourrait appeler aujourd'hui des machines à feu continu. Donc en fait, simplement, ils lançaient un carburant liquide, voilà, qui s'enflammait, et en fait, on retrouve le mécanisme du lance-flamme. D'accord. Voilà. Donc par contre, t'as quand même, il y a un gars, ils avaient déjà briqué, ils se sont dit, tiens, je vais faire pareil, mais en plus compliqué. Ouais, c'est exactement ça. Ça brûle, c'est chiant, ouais. C'est tout. Tiens, j'ai inventé la télé. Si je faisais pareil, mais sans la, l'image. Et voilà, la radio est née. Du coup, maintenant, on va passer donc un point pour David. Félicitations. Bah, oui, merci. Bon, après, comme c'est mon jeu, et que c'est moi, comme c'est mon jeu et que c'est moi qui décide, je vais dire que la deuxième partie, bah, en fait, ça vaut 16 points. Ça, c'est pas juste. Donc, ça, c'est pas juste. Peu importe ce qui se passe. C'est juste parce que t'as perdu la semaine dernière. Peut-être. C'est fort possible. Donc maintenant, je vais vous demander de trouver quelle technique a été inventée en premier, oh là là, entre l'imprimerie, la photographie ou la machine à vapeur. Alors, déjà pour moi, l'imprimerie c'est avant la photographie. Bah, l'imprimerie c'est Gutenberg, c'est le 15e. Oui. Donc après, c'est, y a, 1400, c'est quoi la machine à vapeur ? La machine à vapeur. Bah, la photographie pour moi c'est 19e. Fais tes calculs, de toute façon tu vas me donner la réponse et puis après je gagnerai. Je te laisse faire. Je vais faire les bons calculs, je vais donner la réponse et je vais dire la bêtise. Oui. Ok, moi je dirais l'imprimerie. Moi je dirais la machine à vapeur. Moi je serais parti sur la vapeur aussi. Allez, moi je suis contre tout le monde, peut-être que je vais gagner. On y croit ? Non. Je gagne jamais. Alors déjà vous avez raison, la photographie c'est ce qui arrive en dernier. Voilà, donc la première séance de photographie dont on a les traces, ça vient de 1839, pardon. Ça a été fait à l'Institut de France par Louis-Jacques Mandé Daguerre. Donc là, je me suis permis de prononcer son nom, mais je n'aurais peut-être pas dû. Waouh. Oh, c'est un français, ça va. Ça va, voilà. Ça va. Et ensuite, on a une différence quand même de 3 siècles. Allez, ça va être moi qui entre l'imprimerie et la machine à vapeur. C'est tout le temps moi. Et c'est l'imprimerie qui est apparue en premier. Oh non. Allez, 16 points. Félicitations, oh Laurie, c'est toi qui as gagné. Donc l'imprimerie, c'est quand on dit imprimerie, donc à l'époque en fait c'était simplement une technique qui permettait la reproduction en grande quantité sur un support. Donc en fait c'était plus une espèce de presse qui permettait de copier certains caractères. Donc ça a été fait, comme disait Thomas, par Gutenberg en 1450. Donc c'est les premières traces de l'imprimerie. Non, en fait, j'ai les bons calculs, mais je ne suis juste pas les situés. Alors que la machine à vapeur, elle, les premières traces de l'évolution et de l'utilisation vraiment des outils à vapeur, ça date plutôt du XVIIe siècle. Voilà. Donc félicitations, Laurie. Merci. Bon, là, je suis déçu. Il faudrait tous que vous m'applaudissiez parce que j'ai gagné. Merci. Pour une fois. Je suis trop fort. Pour une fois que Laurie gagne. J'ai pas d'argument. Et bien voilà, l'émission se termine. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine émission. Petite congé de fête. Donc si vous voulez vous la péter pendant vos repas de famille, surtout, n'hésitez pas à réécouter nos émissions sur nos réseaux sociaux et vulgariser à votre tour les phénomènes scientifiques abordés pour cette deuxième saison de Mission Impossible. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et à très vite. À très vite. À bientôt. Joyeux Noël.